dépose enfin son sac, sa selle dans la poussière. Les étoiles soudain se reflètent dans le feu de son regard. Elle empoigne sa vieille fogue pour entonner son air. Elle se dit que ça voudra peut-être une belle poignée de lard. Sourire d'avoir été ici.